Denis des productions, le baromètre. Patron, mon favori. Big Shop. Y'a Christophe Mzungu. L'honorable Igor Molandele. Ange Tour. Le grand Saoudien. De l'Est-Sud à l'MPG. Afrique en best pour la Bimina. Sacre le Moula. DJ Nono. La sécurité, c'est Ewa Bora, mais c'est Slavo. Tonton Kilo, bravo. Hey, Abidjan, Rip Junior Zobo, Consti Eka, Ahmed Bakayoko. La cour des nobles, il y a César Tatikonde, Gino Bokana, il y a Timothée Moleka, Adonis Lenga Lenga, Piero, Jean-Paul Ngambe, Kambaka Musuna, Kaps Kapangala, Henrietto. Chimaro Chimanga, mère à Enamou. Sokodam, Jean-Paul Rodal, vieux chéri, Annie Marcella, Tantine Redi. Le grand machiniste, mère félicité. Georges Simbi, papa Faustin Pondi, Mambia, maman le coco, Fosso papa. Abraza, Tobo Sanité, Ramdam, Taz Clem, Tomela na FBI, Vedetta B, Parc des Princes, Rosario, Bana Milan, Échangeur en Syrie, Alino Banza, Europe de Tour, Ma Pétrolier na Chibang, Ma Romain, Baba Timbelayo, Station Ma Campagne, Carlos. Salon Lacoste, Dario. Ma italien. Le monument vivant. Bado Mokonzi, Nalemba. Kale Kabase, le bébé Koumouamba. Sanité, commandant Igola, Sebados, Alain Alléluia, El Gabon, attitude le titulaire, Docteur Landana. Yeah. Dola J, Charlie Bievan, Banks Spring, Mandibule la marraine, Yacinthe Mwanangani, Bébé Kigoma. MS, MS, MS, MS.